N'oublie pas, ô douce Aurore, écoutez ma voix, tant aux autres tu réponds. La Seigneur, ne m'oubliez pas, Sauveur, Sauveur, Jésus, Sauveur, écoutez ma voix, quand aux autres tu répondras, ne m'oubliez pas. Ô douce Sauveur, Sauveur, Christ Sauveur, écoutez ma voix, quand aux autres tu réponds, quand Jésus ne m'oubliez pas. Laisse-moi près de ton corps de grâce, trouver répond, ou à genoux dans la contrée. Oh, toi, viens, c'est comme ma foi, Jésus Sauveur, Saint. Oh, mon Dieu, Sauveur, écoutez ma voix, écoutez ma voix, quand aux autres que tu réponds, mon Seigneur, ne m'oubliez pas, Sauveur, Christ Sauveur, écoutez ma voix, quand aux autres tu réponds, le Seigneur, ne m'oubliez pas. Toi fontaine de mon réconfort, plus que vie pour moi. Qui d'autre sur terre ou au ciel, je à part toi, Jésus Sauveur, écoutez ma voix, quand aux autres que tu réponds, le Seigneur, ne m'oubliez pas, mon Sauveur, comme Christ Sauveur, Jésus, écoutez ma voix, quand aux autres que tu réponds, le Seigneur, ne m'oubliez pas. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous te remercions de nouveau pour cette grâce merveilleuse, le grand privilège que tu donnes à nos âmes de nous tenir dans la maison de Dieu, la maison de prière. C'est ici où nous invoquons ton nom ensemble comme un seul homme, comme un peuple uni, voyant les mêmes choses, n'étant pas divisés, ayant les mêmes espérances, ayant la même doctrine, ayant la même foi dans le Dieu vivant. Agrée le sacrifice de chacun de nous d'être venu jusqu'ici et non pas les choix de la paresse, de la négligence, mais de venir se présenter ensemble devant Dieu comme ça a été le cas au temps de la Bible. Répands l'esprit de vie dans nos corps, dans nos âmes et dans nos esprits, pour nous faire vivre de la vie de Dieu. Pardonne le péché de chacun. Amen. Dans le sang de Jésus Seigneur, que nous soyons propres et prêts pour la paix, que notre conduite dans ta maison soit une conduite exemplaire conforme à ta parole. Chaque jour nous aspirons à cette perfection, voulant que Dieu te communie avec nous, que tu conduises chacun de nos pas, chacun de nos mouvements qui soit exécuté par toi, Seigneur. Nous ne voulons pas nous conduire nous-mêmes, mais nous voulons le réveil de ton esprit, la flamme du Saint-Esprit, qu'il y ait le feu de Dieu, et nous nous attendons à toi, à ce que tu conduises chaque mouvement, chaque geste de nos êtres, que nous soyons soumis à ta volonté, Seigneur. Tu as dit que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Qu'il en soit ici ce soir encore. Que les cœurs qui s'attendent à toi retrouvent la force nouvelle pour le voyage et la marche, pour vaincre de nouveau et témoigner davantage. Bénis cette réunion au nom de Jésus-Christ et parle à chacun. Tous ceux qui écouteront la parole, qu'ils soient bénis dans la parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 3, le verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Pomela mwange na limbumba na salade esti. Oyo wajali na milimo na nzambe yango sambo. Na myoto yango sambo. Alibo esti. Na yebi misala na yo esti. Kumbu wajali na yo esti. Wajali bomoi. Nde. Jérémie chapitre 9 dans l'Ancien Testament. Le verset 17 à 25. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses et qu'elles viennent. Envoyez quelqu'un vers les femmes habiles et qu'elles viennent. Qu'elle se hâte de dire sur nous une complainte et que les larmes tombent de nos yeux. Que l'eau coule de nos paupières, car des cris lamentables se font entendre de Sion. Et quoi? Nous sommes détruits. Nous sommes couverts de honte. Ils nous font abandonner le pays. On a renversé nos demeures. Femmes, écoutez la parole de l'Éternel. Et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubres. Enseignez-vous des complaintes les unes aux autres. Car la mort est montée par nos fenêtres. Il a pénétré dans nos palais. Il a exterminé les enfants dans la rue. Les jeunes gens sur les places. Dit, ainsi parle l'Éternel. Les cadavres des hommes tomberont comme des fumiers sur les champs. Comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas dans leur cœur. Yahweh n'a révélé à l'oubliété, vous connaissez un peu vos biens à Bassi, balélié, tibaya, Botinda pona basi ba mesani na yango ete baya. Baya bango pe babanda kolela pona biso. Ete miso na biso matiola na pisoli. Pe matopo na biso mapunjwa mai. Ete mongongo na kolela uyo, mongongo na kolela eyokani wita siona. Ete tobebi ndeboni, toyoki soni mingi penza. Ete potiki mokili. Pe basili kobwaka bifandelo na biso na se. Kasi, bino basi, boyoka liloba na Yawe mpe tika ete matoi na bino, mayoka mela liloba na monoko na ye. Bolakisa bana basi na bino kolela. Pe moto na moto, alakisa mozalali na ye loyembo na kolela. Nzambi kusa yeli biso kino, maninisi na biso, epoti kati na ndako minene na biso, kuboma bana mike na libanda, pe bilenge kati na nzela. Loba ete, Yawe alobi boye ete, ata bibembe na bato, ikokweya lokola nyei na elanga, pe lokola bitika na loso sima na mobusi, moto akokoka yango te, akolokota yango te. Yawe alobi boye ete, sika te ete, moto na mayele, amipumisa mpona mayele na ye. Moto na nguya, amipumisa te mpona nguya na ye. Moto na mosolo, amipumisa pe te mpona bozwi na ye. Kasi sika ete ye oyo akomipumisaka, amipumisa na likambo oyo, ete asosoli pe ayebi ngai ete, ngai Yawe na kosalaka boboto pe kosambisa sembo, pe boyenge bene kati na mokili. Po ete Yawe alobi ete, na posepela na makambo oyo. Yawe alobi ete, tala mikolo ikoya wana, na kopesa yoso bakata mingenga etumbu. Esika moko, na ba oyo bajangi kokatama. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. L'ami a pambo la botenge le banaye. Veuillez vous asseoir. Beaucoup de vanda. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur. Comme le vino voyez, malam, on a mis ça en colo. Ici, dans la maison de Dieu. Ah, ça, c'est un d'accord, on a zambé. C'est pour nous un grand privilège. Je le prends à vous, le tout m'abonnez. De nous rassembler comme ceci. La consomme à l'aigle, pour partager ce qu'il y a de précieux pour nous. La parole de vie. Le bon abo, moi. Et ici, dans la maison de prière. Où nous sommes censés prier sans nous épuiser. Où nous aimons rester dans la présence de Dieu. En étroite relation avec lui. Appréciant les moments que Dieu nous donne. La quiétude, la paix autour de nous. L'amour de la vérité. Et la puissance de l'évangile. L'efficacité des promesses de Dieu et sa fidélité envers chacune d'elles. Nous ne pouvons que jouir de cela. Alors ce soir, nous avons lu à deux endroits. Dans le Nouveau Testament, un verset. Et dans l'Ancien Testament, plusieurs versets. Donc, tiré du livre du prophète Jérémie. Chapitre 9e. À partir du verset 17. Jusqu'au verset 25. Il y a beaucoup de choses là-bas qui sont. Mais s'il y a quelque chose qui fait le lien entre les deux passages, vous trouvez qu'il est parlé de la mort dans les deux cas. Dans Apocalypse 3, verset 1, le Seigneur Dieu parle, il adresse le message à l'ange de l'église des saints. Et quand il parle, il arrive vers la fin, la fin du verset pratiquement, et il dit quelque chose qui a trait avec la mort et la mort. Et dans la version Scofield que nous avons lu ici, c'est dit d'une certaine façon. Il est dit, la dernière phrase du verset 1, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. dans la traduction de Darby. La dernière partie de ce même verset d'ici. Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre et tu es mort. Tu portes le nom d'un vivant. Mais tu es mort. Tu portes le nom de vivre. C'est comme si c'était un homme qui a la vie. Mais en réalité, tu es mort. Vous savez, lorsqu'un être vivant est sur la terre, on l'appelle par son nom. Mais quand il meurt, on met son nom au passé. Il s'appelait. C'est parce que sa vie est déjà passée dessous le soleil. Donc toi aussi, les jours où tu ne seras plus vivant, on ne va plus dire tu t'appelles. Ou il s'appelle. Où son nom est. Son nom n'est plus. Son nom était. Celui-là s'appelait. Il était. Au passé. Il y a donc le nom de la personne à la vie de la personne. Ce sont les bonnes manières que nous apprenons sur le soleil. Aujourd'hui là, tu es vivant, on t'appelle par ton nom, on t'identifie par ton nom, on te désigne par ton nom. Un jour que Dieu seul sait, on quittera la terre, et à ce moment-là, on dira, tu t'appelais. Il s'appelait, mais il ne s'appelle plus, parce qu'il n'est plus là, il est déjà mort. Il n'est plus vivant. C'est un peu ça la pensée. Quelqu'un qui porte le nom de vivre. Et à ses yeux, il pense vivre. Il se croit vivant. Mais Dieu qui donne la vie à tous. Quand il le regarde, il sait qu'il est mort. Il ne vit pas. Alors qu'en est-il de toi? Miséricorde. Vous connaissez, il y a une vérité dans l'évangile qui dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ça à Timothée. Et c'est une triste réalité de ne pas se reconnaître. C'est Paul là. Oh, c'est misérable. 1 Timothée 5. Versets 5 et 6. Bon, disons, prenons le verset 3 à 6, comme ça vous prenez nous prenons le contexte. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Et si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Mais ce que moi aussi, à Jali, Nabana, Tobana, Nabana, Naye, Bango, et à rendre à leurs parents ce qu'ils sont restés d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement faite et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu. Et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Moi si à coup fait le bal in assemble, oh, à titali yemoko, à polite à taille en zambé, pe à poumela na bisengeli, pe na mabondeli boutou na moi. La femme croyante, fidèle, dans l'église chrétienne, qui est véritablement après avoir perdu son mari, comment vit-elle? Elle demeure toute seule. Son mari est parti. Balasé Bofenda. Elle est toute seule. Azali Bofenda Yemoko. Elle donne sa vie à Christ. A Pessi Bofenda à Christ. Consacre tout d'elle à Jésus-Christ. Ami Kabino Soyaye Pana Yesu Christ. Elle consacre toute sa parole, tous ses gestes, tous ses actes. Elle reste toute seule. Asikali Bofenda Yemoko. Et elle met son espérance en Dieu. Et elle persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Ceci montre qu'il y a des veuves qui sont veuves de nom, mais qui ne sont pas veuves de nuit. Donc, elle porte le nom de veuve, et la vie qu'elle mène n'est pas celle de veuve scripturelle. Nous sommes là. On peut porter le nom d'un groupe, d'appartenir à un groupe. Et semblait s'identifier à ce groupe-là. Et puis, le genre de vie de l'homme ne correspond pas à cette identité-là. Il y a l'opposé de ces veuves qui sont véritablement peurs. Au verset 6, nous les possessons. Mais celle qui vit par le plaisir est morte, quoi que vivant. C'est une femme, il avait un mari à un moment donné, et son mari depuis de ce monde, il est mort. Maintenant, elle est censée vivre toute seule, mettre son espérance par le divinement, persévérer nuit et jour dans les supplications, c'est le prier. Trois choses capitales, trois choses caractéristiques. Celle-là est véritablement veuve. Elle est veuve en vérité, elle est veuve selon la Bible. Voilà comment elle mène sa vie. Vous voyez ça? Elle vit toute seule. Et elle met son espérance dans le Dieu vivant. Toi qui as un mari aujourd'hui, apprends déjà ce que sera ta vie après la mort de ton mari. Et tu ne vas pas dire, ça c'est fait, ça ne me concerne pas. Non, nous ne sommes pas cités sur la terre. Vous allez parler qu'il est là, non, mais bien. Qui deviendra veuf ou veuve avant? C'est vite, non, parce que la recouche, les mots, c'est pas les mots. Ici, à une durée limitée. Bon, maintenant, c'est allé là. Mais si l'homme est mort, et que toi la femme tu restes vivant, il faut maintenant que tu fasses les trois choses. Que tu sois véritablement ferme. La veuve à la manière des humains, bon, la veuve à la manière de ta famille, dans notre famille, les veuves sont comme ceci, sont comme ça. Les veuves, on doit la nettoyer, on doit faire les choses. Mais ici, il nous faut être veuves selon Dieu. Alors, c'est, que base, pour de c'est ce que la parole nous enseigne. Et celle qui est véritablement veuve, qui reste toute seule, elle met son espérance en Dieu. Et elle persévère jour et nuit dans les supplications et les prières. N'ignore pas ça. Parce qu'un jour ça va te rattraper. Tu connais le devenir de ton couple. Je sais que nous n'avons pas attendre cela. Mais ce sont des réalités de parcours terrestre. Quand vous vous mariez, vous savez la date de votre mariage. Et nous prenons l'engagement que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La formule elle-même dit jusqu'à ce que. Comme pour dire que la date de cette séparation par la mort est totalement inconnue. Ni la femme, aucun d'eux ne peut vous le dire. Moi, si tu veux pas les mots pour la banque, je sais quand surgira cette mort. Tout se paraît ceux-là qui étaient ruinés. Mais si il en arrivait qu'il en soit ici. Et que c'est la femme qui est restée en vie. Il faut qu'elle mène la vie d'une véritable veuve. D'après la parole de Dieu. Qu'elle vive toute seule. Toute seule. Pas de jeter les regards là-bas sur les frères du mari. Oh non, voilà mes sœurs dans la famille. Celle-là au moins a un mari. Et moi, il m'a laissé comme ça. Et il est mort à lui. Commencer les médisances. les jérémiades, les lamentations, les murmures. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Quand on est devenu veuve, ce n'est pas une raison pour ne plus pratiquer la parole. Il faut pratiquer l'évangile. Notre vie est dans la parole. Qui dit amen? Il n'y a que dans la parole. Il en soit ici. Alors nous devons comprendre ce qu'il y a et ne pas nous moquer des autres. Et regardez ce qu'il a dit. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Parce qu'il y a de même que l'église de Sardes avait le nom de vivre, mais était mort. Voilà encore une veuve qui prétend que c'est son mari qui est mort, mais qu'elle est au moins vivante. Mais si, malgré la mort de son mari, elle, au lieu de vivre comme la parole recommande au peuple, elle vit dans le plaisir. Elle se plaît dans les murmures. Elle se plaît dans les plaintes là-bas. Dans les médisances à gauche à droite. Cette femme-là, qui prétend que son mari est mort, il n'y a pas que son mari qui est mort. Même elle-même, la veuve, est déjà morte. Mon Dieu, elle est cadavre. Ça veut dire qu'elle n'est même pas une veuve. Elle porte le nom de veuve, mais en vérité, il n'est pas veuve. C'est un cadavre. Elle est morte. Quelle situation? Alors, on va se mettre à pleurer le mari qui est mort. Pendant que soi-même, on est déjà mort. Au nom de Dieu, elle est l'autre. Liwa na liwa. Kufa na kufa, di pay na bipay. Et c'est Dieu qui juge. C'est Dieu nous aide. Amener la vie que la parole nous enseigne. En tous les points. C'est nécessaire. Tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Écoutez un commentaire que faisait comme cette chose est si importante. Dans les sermons âge de l'église de Pêche, prêché le 5 décembre 1960, l'ange de l'église de Sardes, l'église morte. Le nom Sardes signifie mort. Donc, le nom même, Sardes, voulait dire mort. Mais c'était le nom d'une des villes de l'Asie mineure, une ville habitée par des vivants. C'était une des villes situées dans le continent de l'Asie. Appelée la ville de Sardes. Mais le nom de Sardes voulait dire mort. Donc c'était comme une ville de vivants, mais le nom de la ville elle-même signifiait mort. C'est comme si les habitants de cette ville-là étaient comptés parmi les vivants, mais c'était les habitants du séjour de mort. C'est comme si ils séjournaient à la mort, bien que la ville géographiquement existait. Il y avait des femmes, des pieds de la des travailleurs et des chômeurs, des esclaves parmi les vivants, mais le nom de leur ville signifie mort. Quelle situation? C'est le même message. Porter le nom de vivre, mais pourtant on est mort. Il y a celle qui vit dans le plaisir. Apparemment, elle est vivante. On va jouir de plaisir. Mais pourtant, elle est morte. C'est-à-dire, séparée de Dieu qui est la vie. Séparée de Dieu qui est la vie. Qu'il n'en soit pas ici pour son église. Qu'il n'en soit pas ici pour nos églises. Oh. Écoutez, Donc, le nom Sardes signifie mort. Il avait un nom, mais pas son nom, pas le nom de son Dieu, pas le nom de son Seigneur. Il dit, il avait un nom, cette église. Et que dans la combo, il dit, tu as le nom de vivre, bon et tu es mort. Version de Darby. Voilà. Tu as le nom de vivre, voilà. Et tu es mort. Regardez comment il présente le baptême en ce temps. Voilà. Cela vient de là. Même le baptême d'eau. Une autre considération, un autre exemple. Comment les gens se présentent-ils? Les églises qui portent le nom des chrétiens. C'est la logique que nous avons recrutée ici. Regardez comment ils présentent le baptême. En ce temps, cela vient de là. L'ange, l'église de Sardes, Martin Luther, le premier réformateur. Comment présenter le baptême d'eau? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce nom-là est-il un nom de Dieu? On a l'impression que ça y est dans la Bible. Il y a même un passage, un chapitre, un verset que l'on peut lire. Vous semble-t-il, Jésus a dit, oui, il a dit que le Père de tous les nations les baptisa au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un nom. Apparemment, et les églises sont en train de répéter ça, la formule de cette manière-là. Ils prient au nom du Père et du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils font des gesticulations, des histoires comme ça. Ils pensent que c'est ça la prière. Ils passent au sceau de baptême. Certains ne partent même plus au sceau de baptême. Ils vont remplacer l'immersion dans l'eau par l'aspersion de l'eau. Au lieu d'aller immerger dans l'eau comme la Bible le dit, non. Ils sont devenus trop occupés. Bango, ils disent, mais on ne peut pas amener quand même les rois jusque-là. Nous sommes l'église à bras ouverts qui accueille même les mystères. On ne peut pas amener les grandes personnes comme les rois de l'Angleterre. Ils sont convertis à notre religion. Allez l'amener dans les sous-ouest là-bas. Et bien, nous ne débattissons. C'est un manque de respect au roi. Donc nous devons prévoir une solution qui mette tout le monde à l'aise. Et maintenant, le général d'armée, le lieutenant général, il vient pour croire. Nous n'allons pas l'amener dans les eaux qui ont la boue. Il risque d'attraper les cibles. Et ça deviendra notre faute, notre problème. Et on va nous arrêter parce que vous avez donné la maladie au roi par votre cérémonie. Vous l'avez amené dans les eaux qui ont des vers. Ils ont des microbes et des bactéries. Alors, ils ont modernisé même le bâtiment. Les raisonnements c'était ça. Ah, le roi de l'Angleterre s'est converti. Alors, on ne va pas les baptiser quand même. Il suffit de verser un peu d'eau. Le Seigneur est bon, il sait que c'est de l'eau. On l'a baptisé, on l'a versé de l'eau. Et puis c'est important, ce n'est pas tout ça. Et Dieu agrée sa foi. Mais la foi en quoi est pratiquée comment? On a commencé à diluer la parole, à mettre la lumière ici. Et oui, ils ont changé le baptême, modernisé ça. Alors on prend un peu d'eau dans une étape. Notre baptême au nom du Père. On verse un peu de gouttes d'eau sur le baptême. Une fois pour le Père, une fois pour le Père, une fois pour le Saint-Esprit. Et on dit, il est devenu chrétien. Ils ont changé la parole. Bango va s'il vous plaît. Jésus baptisé a un nom. Jésus a baptisé de l'eau. Il y avait beaucoup de là-bas. Jean-Baptiste a baptisé au Jourdain. Mais c'était un fleuve. Vous allez qui et Étienne. Et Stéphane, l'ennemi qui est au pied. Il n'a pas modernisé abongolaki elenga mpo basa te yango wana misala na matoma mpe basango malamu ezali kolakisa biso kasi bato na mabanzi oyo baye bakomisi makambo nyonso na makambo maloba oyo ezali kozimbisa bato yango motu ya nzambe ya nzambe ezali kotala motema wana bakosi bato na mamilongo ya bibia Il a indiqué comment le baptême doit se passer. C'est l'identification à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ était-il mort? Est-ce qu'on avait aspergé un peu de poussière sur sa tête? Comment était-il enseveli? On l'a plongé. Dans la tombe. Et on a fermé une pierre de Jésus. Tout son corps a disparu dans la tombe. C'était ça. Les yeux ne pouvaient plus le voir. De la même manière, c'est lui que l'on baptise. Nous allons doit être plongé complètement dans la tombe. Et c'est enseigne la Bible. On n'a pas besoin de moderniser ça. On n'a pas besoin d'en faire une théorie. On nous donne l'impression que nous vivons la parole. En faisant du mélange. Alors que nous ne vivons plus la parole. Retenez à la Bible, s'il vous plaît. Donnons-nous temps à ce qu'enseigne la Bible. Et pratiquons-le tel que Dieu l'a dit. Dans le serment des dix vierges. Prêché le 11 décembre 1960. Là, les prophètes disent son paragraphe 231. Dieu l'a dit. Voilà ce qu'ils se disent. Dieu l'a dit, mais oh, certainement qu'il ne nous condamnera pas si nous sommes baptisés dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà un raisonnement corrompu. Quand on présente certaines vérités, vous trouvez ces gens dire, oui, on a besoin de ça. Mais il n'est pas disposé à les pratiquer tel quel. Oh, mais Dieu qui est bon. Mais il ne va pas nous condamner après tout. Parce qu'il fait que nous avons un verset pour ça. Il voulait tout dramatiser. Il voulait voir les démons partout. Mais Dieu n'est pas dans ces détails-là. Il n'est pas dans ces histoires-là. C'est le même esprit corrompu. Qui ne s'en tient pas strictement à la vérité. Qui va toujours se négliger. Qui pense que Dieu pense comme eux. Oh non, mais il ne va pas nous condamner quand même. Parce qu'à l'appui, nous avons un verset. Nous n'avons pas inventé cette formule de pratique. C'est écrit dans Matthieu. C'est écrit là-bas. Alors c'est vous qui voulez tout dramatiser. Vous pensez que Dieu est comme vous. Quand vous dites ça, vous pensez aussi que Dieu est comme vous. En train de diluer et de moderniser la parole. En train de faire le mélange. Gardons la parole pure. Aimons cette vérité telle que Dieu nous l'a dit. Voyez-vous là? Ils disent, oh non. Dieu l'a dit certainement, mais qu'il ne condamnera pas. Si nous sommes baptisés dans l'éthique de Père, est-ce que ce n'est pas tout aussi bien? Je pose même la question. Est-ce que ce n'est pas tout aussi bien? Tu es baptisé comme ça fait dans la Bible. Gabriel dit, grand hypocrite. De se cacher derrière un verset, et de vouloir échapper aux autres. Dieu a dit que l'homme ne vivra pas de peur seulement, mais l'homme vivra de toutes les paroles qui sont dans le Nous prenons toute la parole. Ce n'est pas vous cacher ici, on vous parle. Vous savez, nous on a beaucoup d'expériences, vous savez, et nous, on a beaucoup de témoignages, on a vu beaucoup de soleils, et vous les enfants là-bas, vous êtes des enfants. Beaucoup, et qui est pour ça, la vie de ma caminose. Conformons-nous à la parole. Tout ça, c'est le roba. Et chaque parole, prenons-le tout. Et il va manquer la main contre nos agneaux. accordons nos vies avec toute la parole de Dieu. Nous ne contentons pas d'un morceau quelque part. Mais la vie véritable est dans la parole. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme vivra de toutes ses paroles. Quand tu retranches, c'est la mort. Quand tu ajoutes, c'est la mort. Mais quand tu gardes tout ce que Dieu a dit, c'est la mort. Tout ce qu'il a dit. Gardez tout ce qu'il a dit. Gloire à Dieu. C'est ainsi que le Seigneur parle la plume de l'apôtre Paul a dit. C'est lui qui, Moïse a dit, Paul répète Moïse a dit, c'est lui qui mettra ses commandements en pratique. C'est lui qui mettra ses lois en pratique. Les lois de Dieu vivra par elles. Et Paul ajoute ceci. Si donc quelqu'un observe tous les commandements, mais il transgresse un seul, il a donc péché contre toute la loi. Même si tu observes 99 commandements sur 100 commandements, le fait pour toi de violer un seul commandement, tu es coupable envers toute la loi de Dieu. Et si tu te dis que nous devons pratiquer toute la parole, non pas nous satisfaire d'une partie, mais prendre tout ce que Dieu dit et accorder nos vies avec cela, mettre nos vies en accord avec cela. Si tu le fais, tu vivras. Amen. Amen. Alors ne suivez pas ces raisonnements séducteurs ici. Landa, ma ceux ça qui prennent tout à la légère. Vous allez vous embarquer, vous allez vous chercher. Oh, c'est pas grave, tu sais. Vous allez suivre trop de détails. Vous allez vous embarquer. Mais quand Dieu l'a dit, c'est important. Nous ne pouvons rien négliger. Nous ne pouvons rien négliger. Nous devons tout pratiquer. Vous allez vous nous croyons. Ok. De toute façon, il n'existe rien de tel dans la parole. C'est quelque chose de mort. Quand tu prends ce baptême ici dans les titres, c'est quelque chose de mort. Il n'existe rien de tel. Dites-moi où se trouve le nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Un tel nom n'existe pas. Alors c'est quelque chose de mort. Baptême dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Tu as été baptisé comme ça. Tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Tu as reçu un baptême de vivant, mais tu es mort. C'est comme si tu as reçu un baptême pour vivre parmi les vivants, mais tu es mort au ciel de Dieu. Ce n'est pas fidèle à la parole. Voilà ce que c'est. Un tel nom n'existe pas. Alors c'est quelque chose de mort. C'est sorti des salles. Il n'y a rien de tel. Il a le nom de Jésus. Et tu dis que tu es une église chrétienne. Mais tu es morte. C'est vrai. Le nom de Père, Fils et Saint-Esprit, là n'existe pas. Voyez-vous la traduction originale de Matthieu 26, le verset 19. Ça ne dit pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc même cette traduction-là, il y a eu déjà une adaptation. Les prophètes disent que ça n'existe pas dans la Bible. Dans l'original grec, c'est aller faire toutes les nations mes disciples, les baptisant dans mon nom. C'est le texte original. Faites de toutes les nations, mais les baptisants, c'est Jésus qui parlait, à mon nom. avec la manipulation de traduction. Nous sommes retrouvés avec des versions comme les nôtres qui sont fréquentes aujourd'hui. Ils reprennent la formule trinitaire. Allez, faites toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils. Mais quand nous avons la révélation, nous pouvons les attaquer même dans leur formule. Nous montrer que Dieu a pris ces hommes rusés dans leur ruse. Tous ils s'arrangent à traduire le nom au singulier. Ils mettent au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ne pensaient pas qu'on allait les avoir, nous les aigles. Ils ont tout arrangé et tout expliqué pour que ça passe comme un formule de baptême. Mais l'aigle du dernier jour est venu. On accède maintenant de tous ces trois titres là. Quel est le nom qui est indiqué? Admettons même que ce soit votre formule que vous avez répandu dans plusieurs traductions. Et vous savez, vous pouvez lire là que votre Bible dit ça comme je l'ai dit. Mais cette formule était déjà une déformation. Le texte plus original et authentique n'est pas Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus avait dit et baptisant à mon nom. C'était ça. Il parlait de son nom à lui. Et pour introduire la fausse doctrine de son personnalité. Et le faux baptême mortel. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont allés prendre une histoire comme ça. Ils ont trouvé un verset. Ils ont dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père a dit autre chose. C'est Jésus qui est le Seigneur. Il doit tout écouter. Vous disloquez la parole de Dieu. Arrêtez de faire ça. Vous revenez à la pureté. Nous en allons faire. Revenons à la vérité. Nous en allons faire. Les titres de Père. Et bien, la tata. Est-ce un nom? Nous allons aller combo. Père est-il un nom? Tata, j'allais combo. Si c'est un nom, on appelle ça en français un nom commun. Ceux qui allaient combo, regardez un nom. Le côté, on est allé combo à Batoukan. J'appelle ici Père. Vous n'avez dit à tata. Qui va répondre? N'a normalement personne. Mais si je demande qui est Père ici? Parce que natuni, n'a regardez. Qui est Père ici? C'est lui qui a engendré des enfants. Parce que papa n'a les doigts. Regardez, il n'y a plus de doigts. Merci, baissez les doigts. Père! Tata! Chacun de ceux qui ont levé les doigts. On ne sait pas la pensée qu'il a quand il dit Père. J'attendrai qu'il puisse préciser. Qu'il pointe même du doigt. C'est comme quand nous faisons la bénédiction initiale. Nous demandons toujours nous demander à ce que cette jeune fille soit donnée pour femme à ce jeune homme. Nous disons que le Père se manifeste. Vous voyez? Oui. Est-ce que tous les pères qui sont dans l'église s'élèvent? Parce que le contexte est lui-même décrit déjà de qui il s'agit. Il y a une relation de paternité avec la fille qui est née. Et vous trouverez parmi les pères un seul qui s'élève. Parce que la pensée a été détaillée. On a décrit de qui on a besoin. Et celui-là n'est pas un autre qui s'élèvera. Alors, fils, est-ce que c'est un nom? Moana, vous allez combo. Quand vous appelez fils. Même si aujourd'hui c'est devenu un sobriquet de certains garçons, mais par référence au nom de leur père. Donc on va dire il y a un tel père et un tel fils. Jean père et Jean le fils. On va dire petit Jean. Ou alors Jean le fils. Si le prénom est le même pour le père et pour l'enfant. Mais ce sont des formules rares. Le terme fils éternel romain pour désigner celui qui a un père. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Même en utilisant cette formule, aucun des titres cités n'est un nom précis. Père, Fils, Saint-Esprit, Trinité. Alors, quand on vient invoquer ça sur les gens, on leur donne un baptême comme des vivants chrétiens pour vivre dans la chrétienté. Mais ce sont des morts, des frères. Ils sont pas baptisés parce que Dieu ne reconnaît pas ce baptême. C'est un trucage religieux. Un trucage de philosophes. Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans sa vérité. Et la vérité, c'est le nom du Seigneur Jésus. Que celui qui aime dise amen. Êtes-vous là? Vous allez en oh. Et vous dites, oh. Et cela ne convient pas. Ne convient-il pas tout aussi bien? Père, Fils et Saint-Esprit, ça convient bien. Mais ça convient aussi, non? Réponse, non! Et à noter. Paul a dit que non! Paul a dit que. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Oui, que vous savez, nous avons dit, nous savons qu'ils ont répondu. Nous n'avions même pas entendu dire qu'il y ait. Alors, mes amis, il faut mettre la question du baptême d'eau en note. Si tu n'as jamais été baptisé correctement au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu ne reconnaît pas ce baptême, tu es mort aux yeux de Dieu. Et quand tu mourras physiquement, tu seras deux fois mort. Quand tu étais vivant ici, déjà mort parmi les vivants, quand on te mettra dans ta tombe, tu seras deux fois mort. C'est pas bon. Pendant que nous allons avoir l'occasion, mettons nos vies en ordre. Notre méditation, c'est ça ce soir. Les églises de nos semeurs. Les églises de nos semeurs. Elles donnent l'impression de vivre. Elles donnent l'impression d'avoir la vie. Elles fonctionnent comme si elles étaient vivantes. Mais aux yeux de Dieu, déjà mort. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Nous sommes tous vivants. Il est temps qu'on s'examine. Aujourd'hui, les églises de nos semeurs. Ne soyez pas membres. Vous allez dans ma église dans l'église. Vous allez chercher la vie là-dedans. Vous allez vous faire un mot. Et la chose qui doit donner la vie à l'église, c'est la parole de l'église. Rien d'autre. Et nous commençons à ce que Dieu nous aide. Comme les églises de nos seigneurs. Et ce n'est pas bon pour nous. C'est porter le nom de vivre. Mais d'être en train de mourir. Que Dieu ait pitié de nous. Je vais lire ici dans la prédication. Crois seulement. Du 27 avril 1961. Jairus a dû se dépêcher. Vous savez que son enfant, sa fille était souffrante. Mais il devait se dépêcher. Et cette fille est morte. Oh, son enfant se mourait. Jairus, le croyant juif. L'enfant de Dieu se meurt. Maintenant encore. Dans une situation, quelqu'un qui est censé être l'enfant de Dieu, mais il se meurt. Mais tu dois te ressaisir et prendre conscience. La fille de Jérusalem mourait. Elle se mourait. L'enfant de Dieu se meurt. L'église se meurt. Prenons conscience. L'église aussi. L'église aussi. La même que je vis, vous vivrez aussi. Mais regardez ce que nous sommes en train de devenir. Nous, les membres des églises chrétiennes. L'église se meurt. Il nous faut faire quelque chose. Qui dit amen? Il nous faut faire quelque chose. Et si nous ne nous arrêtons pas seulement à pointer du doigt les églises là-bas. Mais l'Assemblée est morte. L'autre, nous avons une responsabilité après l'avoir constaté. Nous sommes les porteurs du message. Faisons quelque chose pour amener les nôtres à la vie. Nous devons nous dépêcher pour le faire. Pas seulement observer et constater. Pas seulement en parler entre nous. Mais allons vers les enfants de Dieu. Annonçons-leur le message de vie. Consentons des sacrifices. Pour aider les perdus à se réveiller. Il dit amen. Mais je ne vous sens pas encore prêt à le faire. Hein? Parce que nous sommes assis à écouter la prédication de manière formaliste. On s'attend à ce que l'heure sonne pour qu'on dise, allez, récréation, on a sifflé, c'est fini. Nous ne venons pas pour surveiller l'heure de la fin. Nous venons pour plaire à Dieu. Et pour recevoir de lui les choses nécessaires pour le voyage. Que Dieu te bénisse, te comprendre. Il nous faut faire quelque chose. Vous pourriez avoir taxé cela de télépathie. Vous pourriez avoir taxé cela du diable. Vous pourriez, oh là là, je ne sais pas de quel nom vous avez taxé cela. Mais là, au fin fond de votre cœur, si vous avez cru que c'est la vérité, frère, vous feriez mieux de porter votre chapeau ecclésiastique. Sur le coin, et dire quelque chose et de vous mettre en action. Si ce que tu entends ici est la vérité, même si autrefois tu l'avais taxé de ceci ou de cela, de séduction ou de tromperie, si tu entends et tu reconnais que le message est vrai, tu dois te dépêcher de faire quelque chose. Pour aider quelqu'un d'autre à sortir de l'ignorance, de quitter la zone de la mort spirituelle. Vraiment, il a dit, porte ton chapeau ecclésiastique. Porte ton chapeau ecclésiastique. Va commence à témoigner. Nous devons faire quelque chose. Ne disons pas seulement que plusieurs sont dans l'ignorance. Vous devez aller vers ces femmes. Aidez-les à retrouver le chemin droit. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas en en parlant entre nous, mais c'est en allant vers les perdus. Pour les aider à retrouver les droits chemins. Nous appuierons. Nous devons faire quelque chose. Les églises de nos sommeurs, vous priez, je ne sais pas. Mais là, au fin fond de votre cœur, si vous avez cru que c'est la vérité, vous feriez mieux de porter votre chapeau ecclésiastique sur le coin et de dire quelque chose et de vous mettre en action. L'Église, sa mère, nous avons besoin que Christ entre en scène dans le temps de l'action. Non pas quand j'en aurai envie. Non pas quand j'entreprendrai la prochaine action. Mais il devait amener les gens à agir. Parce que vous amenez Jésus sur la scène. Tout le reste avait failli. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que l'état de l'église pentecôtiste est meilleur ce soir? Le dernier mouvement du Saint-Esprit, c'était l'église pentecôtiste. Abraham pose la question à ceux qui ont vécu le dernier réveil en cours. L'état de l'église pentecôtiste est meilleur ce soir? Les alliés malades ont mis le canapé pendant les lots. Bien sûr, vous savez que c'est pire. De la même façon, à vous qui avez vécu le dernier réveil après le réveil de Pentecôte. Alors, vous gardez la même inspiration et la même méditation. L'état de l'église qui croit le message de Frère Brennan. Et puis le meilleur ce soir. Un frère m'a envoyé une vidéo. C'est grave les choses. Un pasteur qui prêche et les gens sont debout, tout agités. Vous verrez, voyez vraiment comme si l'onction. Nous pensions que c'est quelque chose de vrai qui était prêché. Mais il dit quoi? Quand un prédicateur de Pentecôte se prêche, vous êtes là, vous dites, c'est ça la vérité. Mais quand les auxiliaires de Malachie 4 prêchent, vous commencez à vous réserver. Qu'est-ce qu'il raconte le monsieur? Visage apparemment sérieux. Oh non! Branham, il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, dit, mes chers amis, Baninga. Comment pouvez-vous imaginer dans une assemblée que Branham a risqué sa vie avec son message? Pour présenter la vérité biblique au monde. Comment on peut imaginer est-ce l'instant c'est un individu sans frein. Il répète que Branham, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie aussi. Chers amis, c'est ça la question que nous nous posons. L'état de l'église pentecôtiste. Ici, quand Frère Branham parle en 61. Ah, ouais, c'est vrai que le Branham a beaucoup de temps. Ça fait plus de 50 ans. Mais vous, l'église, tout le monde est temps. Et le meilleur? Vous savez que c'est non. On ne s'arrête pas qu'à pointer les doigts l'église pentecôtiste parce que l'un est déjà. Maintenant, vous qui prétendez avoir reçu le réveil de l'heure. La dernière visitation de Dieu. L'état de l'église. Est-il meilleur ce soir? Le tabernacle répond quoi? Vous répondez quoi? Il est temps qu'on s'examine, comme on disait hier. Les assemblées de nous, c'est meurt. La vie est en train de s'envoler. La mort menace, elle est entrée par le prêtre. Et c'est grave comme Jérémie avait dit. Elle frappe même les enfants. Miséricorde, il faut que les choses soient faites. Ils devront amener Jésus sur la scène. Non pas Branham sur la scène, Jésus sur la scène. Votre message nous invite à amener Jésus sur la scène. Et aujourd'hui, dans plusieurs assemblées, quand on parle de Jésus, tout est froid. Comme c'est le nom de Branham qui donne vie aux gens. Dès qu'on commence à dire Branham a dit, voilà, ça le rappelle. Donc le nom de Jésus ne réveille pas. Le nom de Jésus ne donne plus la vie. Le nom de Jésus est mort. C'est grave. Une confusion totale. Mais Dieu a ses élus. Pour qui son message a été destiné. Et ils seront jamais séduits. Et c'est là où les dénominationnels vont mordre la poussière. Ils ne peuvent profiter de ceci et de cela pour raconter n'importe quoi. Mais ils ne savent pas que Dieu s'est réservé comme au temps de l'île. Il s'est réservé encore 7000 que lui Dieu connaît. Il s'est réservé une minorité qui ne fléchit pas les genoux devant le fond. Qui garde la vérité pure. Dieu en a eu dans tous les âges. Laissez-moi vous dire que maintenant encore, il y en a. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Ça demeurera toujours comme ça, mystérieux. Ok. Mais il devait amener les gens à agir. amener Jésus sur la scène. Je risque de faire cela. Toi aussi, les croyants, tu dois faire cela. Tout le reste a failli. C'est pas vrai? Tout le reste a failli. Les assemblées du message, ça a failli tout ça. Nous voulons voir Jésus sur la scène. C'est cela qui va rétablir la vie. Redonner l'espérance et le courage. Tout le reste avait failli. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que l'état de l'église pentecôtiste est meilleur ce soir? Ou bien elle est divisée en environ 30 différentes organisations? Les pentecôtistes, 30 différentes organisations. C'est cet état que Frère Brenham a déploré. Comment tous vous avez cru au réveil du Saint-Esprit, au baptême du Saint-Esprit, à la restauration des dons, des dons spirituels, et maintenant vous vous retrouvez divisé en 30 différentes organisations. Un peu comme les assemblées du message sont maintenant divisées en plusieurs cartels et tendances. Il y a des groupes de leaders tels, autres leaders là-bas. Quelques hermès. C'est grave. Mais un seul message. Ça ne Et pourquoi ces confusions? Pourquoi ces divisions? Le Seigneur connaît ce qu'il y a parmi nous. Tenez-vous tranquille, aucun erreur ne sera fait. Ils atteindront le but avec Dieu. Ils réussiront jusqu'au bout. Car c'est Dieu qui connaît merveilleusement ce fait. Il aime des fois brouiller les pistes de lui. Il créer la surprise finale et montrer que la mienne est ici. C'est pour ça que ça a été c'est ça. On n'a jamais pas, on ne pouvait pas imaginer. C'est celle-là la mienne. Vous allez où est-ce que Fini les débats. Les protestations et les bruits. Les bruits des marchés. Voyez. Ils sont divisés en 30 différentes organisations. Quand il a commencé à ce tout début. Voyez. Posez-vous simplement cette question. Notre état devient constamment pire. Notre état, dit Frère Branham, devient constamment pire. De mal en pire, de mal en pire, de mal en pire. Est-ce que les hommes et les femmes dans nos églises pentecôtistes ont plus l'air de Saint-Esprit? Est-ce qu'elles ont plus l'air de Saint-Esprit dans les églises pentecôtistes? Les hommes et les femmes, la manière même dont ils se présentent, ils apparaissent. Est-ce qu'en les regardant, vous pouvez vous dire que ce sont des saints? Pouvez-vous les appeler des frères et des saints? C'est l'une des questions. Mais la même question revient dans les assemblées du message. Quand vous voyez les gens qui fréquentent les assemblées, les hommes et les femmes ont-ils l'air des saints qui parlent? Est-ce qu'ils ont l'air des saints qui prient? Ce sont des questions au sujet de notre état spirituel. Voyez, montrez-moi où dans cette ville on tient des réunions de prière de toute la nuit. Jour après jour. Comme on le faisait autrefois. À cause des péchés qui se commettent dans la ville. Question directe à vous aussi. Vous parlez des pentecôtistes. C'est bien. On a parlé des assemblées du messager général. Comme là, Ok, mauvais état. Votre état s'empire constamment. Question directe à l'église ici maintenant. Montrez-moi où dans cette ville de Kinshasa. Comme dans n'importe quelle autre ville. Où l'on tient des réunions de prière de toute la nuit. Non pas une fois l'an. Ou une fois le mois. Mais jour après jour, comme on le faisait autrefois, à cause des abominations qui se commettent dans la vie. Ne sommes-nous pas dedans, nous? Soyons francs, non? Comme je vous ai dit, il ne s'agit pas seulement de regarder les autres. Nous, il faut faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose de tout urgent. Arrêtons de nous satisfaire dans les situations. Comparons à la parole. Tabernacle de chrétien. Est-ce que vous tenez les réunions de prière qui durent toute la nuit, jour après jour? Qui ressent parmi vous un tel besoin? Qui s'en préoccupe, qui a ça dans son cœur, qui a soif de ça, que l'église en arrive à tenir des réunions de prière qui durent toute la nuit, toute la nuit, jour après, qui a ce souci là dans son cœur? Montrez les doigts. J'espère que le souci ne vient pas d'apparaître maintenant. Ma question, c'est s'il y avait une telle préoccupation, et vous venez maintenant de croiser cette profondeur ce soir. Levez les doigts. Il s'agit de rencontre de profondeur. Que Dieu vous bénisse. Donc, Dieu parle parce qu'il nous connaît. C'est pour répondre à des états de bêtises. Moi, je déclare devant cette Bible qu'aucun de vous qui avait levé les doigts ne m'avait contacté pour poser ces problèmes. Je l'ai dit devant Dieu. Je viens de vous découvrir ici en live. Que je ne suis pas seul à y penser. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont aussi cette soif. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Que cette soif se matérialise. Maintenant, vous voyez, la grande majorité n'a pas cette soif. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, on a vérité en direct. Vous voyez, on a direct. Si nous mettons ça ici, de prière nuit après nuit, ici, parce que la grande majorité n'est pas dedans. Je vous l'ai dit ici même. Soit il y en a certains d'entre vous qui vont se rallier. Soit il y en a d'autres tellement ils n'ont pas cette profondeur là. Ils ne savent pas ce besoin là. Ils vont chercher des points faibles, des trucs pour critiquer. Ils ne cesseront pas d'être membres de l'église. Mais c'est toujours moi. C'est leur église, je vous dis. Mais ils vont dire est-ce qu'il faut faire ça? Négatif comme tout. Donc, ce sont les partisans du statico. Ils veulent pas du progrès, mais ils veulent pas qu'on soit sur place. Non, nous devons progresser. Alors, il nous faut trouver une bonne formule. Pour que cette soif-là soit éteinte. Des réunions de prière qui durent. Et cela jour après. Qui a-t-il peur de ça? Vous voyez? Branham dit comme on le faisait autrefois. Nous réclamons la restauration. Mais soyons disposés à nous adapter à la restauration. Nous voulons que Dieu fasse de grandes choses. Nous fonctionnons dans quelles conditions? Nous ne pouvons pas réclamer les choses à son côté. Nous sommes prêts à la vie de réveil. Par amour du sommeil. Je reste qui ont faim et soif de la justice. Car ils seront rassasiés. Non pas par une organisation. Mais c'est par la conduite authentique. Des réunions de prière qui dure toute la nuit, comme on le faisait autrefois. Comme on le faisait autrefois. À cause des abominations qui se commettent dans la vie. Tout le monde parle de criminalité ici. À Kinshasa. Notre frère Trésor était victime avant-hier. Il a été braqué par des faux militaires. Voilà. Ici même en plein salon à Régine ici. Après avoir travaillé ici, l'amendement traîné jusque vers 23h20. Sur l'avenue Béni. Ils ont surgi avec les armes. Donne tout. N'ose pas crier. Il te crie. Ah, vous tirons. Alors, les pauvres frères, tout ce qu'il avait. 130 000 francs, malheureusement en poche, j'ai 50 dollars et tout. Il devait tout donner pour avoir la vie sauve. Nous rendons gloire à Dieu qu'il soit vivant. Ça pouvait être un cadavre aujourd'hui. Vous comprenez ce qu'il y a? Vous comprenez ce qu'il y a? Mais aujourd'hui, nous avons entendu que ton ennemi cherche un moment, un temps favorable. Il a fui, mais vigilance toujours. Vous voyez là? Quelque chose est arrivé encore. L'ennemi. Mais l'ange du Seigneur, qui se tient entre la mort et vous. Le cas est ici encore. Ça paraît banal, hein? Mais j'ai vu ce matin, les corps d'une fille qu'on est allé jeter devant leur maison, Massina Petro Congo. Cadavre! Et sont les mêmes criminels. Ils poche de vie tous les jours ici. Mais que le nôtre soit tiré d'affaires. S'ils avaient résisté, ils allaient tuer. Depuyer les poches. Ils allaient dire Mbongo. Zoba. Akufeli Mbongo. Moi, je n'ai rien à la poche. Je ne sais pas. Là, il est bébé. Zoba. Bisouana, je suis Mbongo. C'est comme ça qu'ils résolvent ces individus. Sans foi ni loi. Des criminels. Miséricorde. Mawa. Miséricorde. Mawa. Chers amis. Taninga. Sachons que les églises se meurent. Mais Dieu veut que son église revive. Elle doit revivre. Comme autrefois. Nous y croyons. Et j'ai confiance que Dieu fait quelque chose dans ce sens. Il a dit, sommes-nous mieux? Bien sûr que non. Nous prévenons pire. Oh, nos bâtiments deviennent plus beaux. Oh, nous devenons plus nombreux que les autres églises. Mais qui aimerait être comme eux? On veut être comme Jésus. C'est ainsi que chaque homme désirerait être comme Christ. Faisons-le entrer ensemble. Vous voyez? Et nous sommes, et les églises se meurent. Et il nous faut donc faire quelque chose. Il nous faut nous dépêcher. Nous n'avons pas tout. Mais nous n'avons pas à attendre le millénium pour faire cela. Si nous allons le faire, Il nous faut le faire maintenant. Sinon on va mourir. Quelque chose va se passer. Nous aimons ça. D'accord. Je termine ici dans le serment présumé. Je prends le paragraphe 145 et 147. 145 à 147. Eh bien, nous regardons en arrière et nous voyons l'église pentecôtiste au commencement. Nous pensons au pentecôtiste. Il y a 30-40 ans. Nous pensons au concile pentecôtiste post-nicéen. Nous pensons à tous ces saints des âges primitifs. Irénée, Saint-Martin, Colomba, Justin et Polycarpe. Et nous pensons, en le voyant, nous avons la même bénédiction qu'autrefois. Et que nous pouvons donc aller carrément de l'avant comme eux. Nous voyons que nous pouvons faire les mêmes choses qu'ils avaient faites. Nous pouvons le faire, n'est-ce pas? Mais nous ne le pouvons pas dans ces circonstances. Dans ces conditions où se trouve l'église aujourd'hui. Donc, un privilège à moi. Des privilèges à moi. À cause des conditions dans lesquelles l'église évolue et vit. Nous devons changer nos conditions. Encourageons-nous les uns les autres. À nous en tenir à la pure vérité. À combattre pour la parole du Seigneur. La parole originale et véritable. Nous ne donnons accès à aucun mensonge. À aucune fausse doctrine. Appelons par son nom. Le mal reste mal et le bien sera du bien. Regardez ce que ces hommes faisaient. Regardez ce que ces églises faisaient. Quel sacrifice! C'était à quoi ils devaient renoncer. Ils devaient renoncer à beaucoup de choses. Pour se permettre certaines réalisations. Ils devaient renoncer à son sommeil. Pour gagner des nuits de prière. Mais si toi tu es adorateur de ton sommeil, comment pourras-tu réussir l'idée de tenir des réunions de prière qui durent toute la nuit? Vous voyez frère, nous aimons trop la routine et le formalisme. Quelque chose qui nous bouscule, qui nous met là à l'éveil tout le temps, on est capable des inaptes. Quelqu'un va craindre de faire l'ABC? Voyez les gens. Donc on cherche toujours à fuir. Nous voulons entrer au ciel dans la facilité. Eux là-bas, ce n'était pas la facilité. C'était des sacrifices. Paul l'a dit. Tous ceux qui combattent contre la terre. Verset 26 à 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'arsenal. Et ils le font pour avoir une couronne périssable. Mais vous et moi, frère chrétien, faisons le pour une couronne de vie. L'homme a peur de la souffrance. Il veut entrer au ciel dans la facilité. Mais ça ne marcherait jamais comme ça. Nous devons traiter durement nos corps. Nous devons nous entraîner au front. Nous devons nous entraîner en prière. Il nous faut nous réveiller, frère. Dites amen. Oh, au moins, les trois lignes de ma mère, c'est dans l'obusio yango. Parce que c'est la vérité. Nous devons arriver là. Et c'est notre coma, voilà. Pour ceux qui m'ont encore contemplé la malade, t'es tata aussi maintenant le boko. À ça, les papa. Dès que l'obusio le va amener. Quel sacrifice c'était? C'est à quoi il devait renoncer. Il ne considérait même pas leur vie comme quelque chose à leurs yeux. Est-ce que toi tu vas en arriver à ce niveau? Au moins la vie n'a rien été l'autre. Oh ma malade, ah je m'en fous. Oh rebelle, oh tension. Hey! Pour le Seigneur, je suis prêt à tout. Un soldat sans foutiste. Prête à tout pour le royaume. Je veux que tu deviennes ça. Nous ne pouvons pas être satisfaits de cet état ici. Les lignes doivent bouger. Les choses doivent changer. C'est vrai? Il ne considérait même pas leur vie comme quelque chose dangereux. Il restait sur leur face jour et nuit en train de prier le Seigneur. Il restait sur leur face jour et nuit en train de prier le Seigneur. Et toi, tu attends d'entrer dans le même ciel avec nous. Est-ce que mon yo bongi pensa? Jeu des dames, très fort. Il va nous mais en prière, pas ta pouf. Somnolent. Il faut lutter. Non, frère. Ceux-là n'étaient pas comme ça. Ils considéraient même pas les vies. Ils pouvaient s'étaler dans ce qui se passe. Prière, ma prière. Mais nous aujourd'hui on se moque de ça. Quelle façon de prier? Est-ce que bon zamba le bongo? Parce que tu es incapable, tu commences à critiquer. Tu n'es pas capable de faire ce que lui fait là. Eh, hey, on m'a dit respect pour celui qui est capable de le faire. Pourquoi la moté ma joie, ôté, ata celui nous soana, à sa nega vierge folle. A quoi t'en écoute l'olaté? Ata celui nous soana, moté ma mabé. Si tu n'es pas capable, donne-moi du respect à une femme. Il reste sur les faces jour et nuit, en train de prier. Et il allait partout où il pouvait. Chercher dans chaque coin et recoin où il pouvait. Témoignant du royaume de Dieu aux gens. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, nous nous attendons à ce que le pasteur ou l'évangéliste apporte cela dans sa mallette. Les témoignages du royaume de Dieu dans sa mallette. Mais moi, pour ma part, je suis membre de l'église. Je suis membre d'une très bonne église. Et tu ne fous rien, tu ne témoignes nulle part. Tu annonces la venue du Seigneur à personne. Tu n'as pas dit du péché à personne. Tu laisses les femmes en pantalon. À tes yeux, tu n'as rien à reprocher. Tous les éléphants. Nous attendons à ce que le pasteur ou l'évangéliste apporte cela à la mallette. Et en disant que Dieu soit béni, je suis membre de l'église. Et c'est ça. Vous voyez, je suis membre là. Moi je suis membre là-bas. Je crois dans telle église là-bas. Et cette église est très bien. Assurez-vous peut-être que le bâtiment n'a aucun problème. Assurément. Peut-être que le bâtiment n'a aucun problème. Peut-être qu'il n'y a aucun dégât. Pas de termites ni rien là-dedans. Voilà le problème. Il n'y a pas de termites. C'est impeccable. Il n'y a pas d'endroit qui sointe. Un peu de fatigue. Côté bâtiment. Oui, c'est l'indaco. Et c'est ça que tu appelles une bonne église? Il y a une bonne église à Malamu. Où ce sont les gens qui fréquentent là-bas? Quel genre de vie mène-t-il? Miséricorde. Mawa. Jérémie a alerté. Il est alerté, c'est ça. Appelez les femmes habiles. Femmes, la mort nous guette. Dieu a dit qu'il y a un temps où il châtiera tous les circoncis qui ne sont pas circoncis de cœur. Sinon la circoncision que du dehors, d'apparence ou de la chair. Le cœur n'est pas circoncis. Mais il adore dans l'église chrétienne qui est réputé être circoncis. Il est mal dans l'église. Mais lui, son cœur n'est pas circoncis. Le temps vient. Que le sage ne se glorifie pas. Que l'homme fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître comme étant un Dieu qui exerce la bonté, qui exerce le droit et qui exerce la justice. Car c'est à cela, dit l'Éternel, que je prends plaisir. La bonté, l'amour, le droit, la justice, Dieu exerce cela. C'est à cela que lui, Dieu, prend plaisir. Et toi, pour ta part, glorifie-toi, tu peux te glorifier. D'avoir cette intelligence spirituelle te permettant de connaître un tel Dieu. Connaître un tel Dieu qui exerce la bonté, qui exerce la justice, qui exerce les droits, et de les connaître. Sois fier de ça. Or, si tu le connais, afin que Dieu te fera des exploits. Et la promesse que Dieu a donnée par Daniel pour ce temps de la fin, c'est que dans ces derniers jours, ceux d'entre le peuple, ceux d'entre le peuple, qui connaîtront leur Dieu, feront de plus grands exploits. Les exploits que les saints d'autrefois ont produit, nous pouvons faire la même chose. Mais pas dans les conditions de fraternité. Il nous faut plus de sacrifices. Chacun doit prendre conscience. Chacun doit mettre sa vie en ordre avec le Seigneur. Sommes-nous prêts? Que Dieu vous bénisse. Lève-nous maintenant pour la prière. Dans l'amour de Dieu. Numéro 2. Grâce étonnante, quelle douce en qui s'en va, un vil comme moi. J'étais perdu, je serais trouvé. Aveugle maintenant, je vois. Cette grâce m'a enseigné la crainte et l'entame mes peurs. Combien précieuse parut cette grâce. Oh, mama, oh, j'ai cru dans les dangers, peines et pièges, par où je suis passé. Cette grâce qui m'a gardé cinq ans, mais qu'on ira au ciel, le Seigneur m'a promis et bien ta parole me soutient. Il sera bon abri ma part tant que j'aurai la vie. Quand on verra sa sorte chère, ma vie mortelle, ce sera. J'ai pensé de rêver dans l'au-delà, une vie de joie et paix. Après que mes temps passés là, brillant comme le soleil, nous aurons plus de temps qu'avant. Pour louer notre Dieu. Disons chacun un mot de prière. Jésus, garde-moi du mal. Je serai satisfait tous les jours comme je marche. Garde-moi près de toi. À marcher, marche toujours avec toi. Ô agneau Jésus, exauce ma prière, exauce-moi, marche toujours près de toi. Oh, laisse qu'il en soit ainsi, cher Seigneur. Dans ce monde peine piège, en tombant que mes secours, qui m'aide à porter mon fardeau, Tellement toi, cher Seigneur, tellement toi, au marché, ma, c'est toujours avec toi, Agneau de Dieu, j'ai exaucé ma prière, exaucez-moi, ma, c'est toujours fait de toi, oh, l'excellent, sois ainsi, cher Seigneur. Dieu merveilleux et tout puissant. Nous t'adorons au nom de Jésus-Christ. Pour ce moment où tu as tenu nos âmes devant toi. Pour y travailler et nous façonner. Pour nous parler et nous interpeller. Pour nous encourager à pratiquer toute la parole de Dieu. Sachant que les églises de nos frères, les circonstances et les systèmes sont faillibles. Mais ta parole seule est infaillible. Nous devons combattre pour maintenir la vie et revenir à la vie. Nous devons nous imposer toute espèce d'enfance pour que le mal ne nous domine jamais et que ta vérité vive en nous, Seigneur. Entends le cri de chacun de nous. Pardonne nos failles, nos péchés. Nous devons nos insuffisants. Nous sommes des incapables, des inaptes, des fois. Mais à qui d'autre irions-nous, Seigneur? Nous venons à toi seul. Qui a les paroles de la vie. Pour que ta parole nous vivifie. Et que toi, Christ, tu es en train de faire. Nous sommes intéressés à te voir vite en scène. Nous appelons Jésus-Christ en scène. Non pas William Branham. Non pas un leader religieux. Non pas quelques prophètes ou apôtres. Mais nous appelons Jésus lui-même en scène. Qu'il vienne dans notre église. Qu'il vienne dans la vie de chacun de nous. Pour que nous allions quoi que nous fassions. Nous voulons refaire les mêmes exploits. Que les tiens du commencement, que l'église primitive, l'église de la Pentecôte, nous voulons refaire les mêmes exploits. Donne-nous l'intelligence de connaître. Que ce soit notre sujet de croire, un motif de fierté, de connaître le vrai Dieu, qui exerce la bonté, qui exerce la justice, qui exerce le droit. Père, soit-elle pour chacun de nous. Soit comme cela pour chacun de nous. Pour chaque frère, chaque soeur, chaque fidèle de ta maison. Les prières élevées aujourd'hui dans la chaîne de prières. Les prières que nous élevons maintenant ici ce soir. Les prières que nous continuons à élever toute la nuit. La nuit durant. Prête l'oreille et réponds-lui. Prête l'oreille et agis. Lève ta main droite et balance les actes de puissance. Merci pour tous les bienfaits. Pour ta protection et ta sécurité. Oh Dieu. Que ton nom soit béni et éternel. Que nous gardons nos prières. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu des vérités, nous prions. Amen. Veillez pour ce soir. Nous arrivons à la dernière étape maintenant. Avoir la grâce de Dieu.